Vous écoutez France Culture. Un long dimanche de fiançailles. De Sébastien Japrisot. Adaptation Catel Guillou. Cinquième épisode. La femme prêtée. Mathilde a appris par Pierre-Marie Rouvière, son parrain, que Raymond Poincaré avait accordé sa grâce aux soldats condamnés pour mutilation volontaire en décembre 1916. Pourtant, Manèche a bien été déclaré mort le 7 janvier 1917 à Bingo Crépuscule. D'après ce qu'Urbain Chardelot aurait confié à ses parents, il est possible que l'un, voire deux des cinq hommes, jetés dans le no man's land entre les tranchées, aient survécu. Tina Lombardi, l'amante d'Ange Bassignano, alias Droit commun, mène elle aussi l'enquête de son côté. Elle semble certaine que l'Esquimau s'en est sorti. Mathilde a souhaité rencontrer Elodie Gorde, la femme du caporal Benjamin Gorde, pour essayer d'en savoir plus. Vous saviez que cet enquêteur m'avait transmis votre adresse ? Oui, il m'avait envoyé un télégramme pour me demander l'autorisation. Merci. Vous le connaissez depuis longtemps ? Monsieur Pierre ? Oh non. Et puis, je ne le connais pas vraiment. J'ai dû faire appel à ses services en février de l'an dernier pour régulariser ma situation. Mon mari, Benjamin Gorde, avait été porté disparu le 8 janvier 1917 sur le fond de la Somme. Mais il n'était pas mort officiellement. Alors, je ne pouvais pas toucher de pension de veuve de guerre, vous comprenez ? Vous ne travaillez pas ? Oh si. Je travaille toute la semaine dans un atelier de couture. Si tu rentrais chez moi, il y a encore le ménage et le linge. Sans compter les enfants. Vous en avez combien ? 5. 4 ne sont pas de moi, mais du premier mariage de Benjamin. C'est bien pareil. C'est pour ça que vous avez fait appel à un professionnel ? Oui. Je n'arrivais pas à faire les démarches toute seule. Je manque de temps pour tout. Alors j'ai préféré sacrifier une partie de mes économies. Heureusement, Monsieur Pierre ne m'avait pas menti. Aujourd'hui, mon mari est officiellement décédé. Et je touche ma pension. Comment est-il mort ? Il a été tué dans un bombardement. Le 8 janvier 17, à l'hôpital de Combles, où on le soignait pour une blessure à la tête. Je suis désolée. Sa mort a été attestée par le registre du poste médical et par des témoins. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Sa dernière permission, c'était en avril 1916. Est-ce qu'il vous a parlé de Célestin Pou, Urbain Chardelot, Étienne Favourier ? Non, tous ces noms ne me disent rien. Mais il a changé de régiment en août, alors il les a peut-être connus après. Et puis, tout ce qui le préoccupait, c'était les enfants. Quand on se voyait, ou même dans ses lettres, il ne me parlait pas de ses camarades, ni de la guerre. Et Kléber Bouquet, vous le connaissez ? Qui ? Non. Kléber Bouquet, ou l'Esquimau ? C'était son surnom. Je ne le connais pas, je vous dis. Votre mari et lui étaient pourtant les meilleurs amis du monde. Vous saviez qu'il s'était fâché ? Excusez-moi, j'ai une lessive qui m'attend. Attendez. C'est à cause de vous, c'est ça ? C'est moi. Madame Gorde, je dois absolument savoir ce qui s'est passé. Votre mari et Kléber Bouquet étaient ensemble, et mon fiancé avec eux, en janvier 1917, dans cette tranchée du diable, vous comprenez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas ce que vous imaginez. Je n'imagine rien. C'est bien pour ça que je suis là. Calmez-vous. Tenez, prenez son choix. Donc, vous connaissez Kléber Bouquet ? Oui. Quand l'avez-vous rencontré ? Mais je ne le connaissais pas avant la guerre, je vous assure. Benjamin me parlait souvent de lui parce qu'ils allaient faire la trôle ensemble, mais je ne l'avais jamais vu. Je ne savais même pas son vrai nom. Vous viviez depuis longtemps avec Benjamin Gorde ? J'ai connu Benjamin à l'hiver 1909. Sa première femme venait de mourir d'une appendicite aiguë en lui laissant 4 enfants qui n'étaient pas les siens. Il avait besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Moi, j'avais 20 ans. Je venais d'accoucher de ma fille Hélène. Et le père ? C'était un ouvrier maçon que j'avais rencontré par hasard dans l'immeuble de mon oncle. Il m'avait laissé tomber dès que je lui avais dit que j'étais enceinte. Benjamin Gordes vous a accepté dans cet état ? Oui. Tous ceux qui l'ont connu vous le diront. Benjamin était un homme très sensible. Un peu taciturne parce que la vie n'avait pas ménagé, mais profondément bon. Quand je suis rentrée à son service, il n'avait que 25 ans. Mais on lui aurait déjà donné beaucoup plus, parce qu'il était posé, sobre en tout, et qu'il ne pensait qu'aux enfants. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que s'il aimait tant les enfants, c'est parce qu'il pressentait qu'il ne pourrait pas en avoir lui-même, comme cela s'est révélé par la suite. Mais quand vous êtes-vous mariée ? Le 10 septembre 1910. Benjamin a aussitôt reconnu Hélène. Et ensuite ? Les 4 années qui ont suivi ont été les plus belles de ma vie. Benjamin et moi, nous étions en accord sur tout. Il faisait un métier qui lui plaisait. Il était doué comme personne pour travailler le bois. Je peux vous le dire sans exagérer, c'était un véritable artiste. Nous avions de beaux enfants, avec plus que le nécessaire pour vivre. Nous avions même le projet d'aller en vacances à la mer, parce que ni lui ni moi ne l'avions jamais vu. Et la guerre est arrivée. Ah oui. Je voudrais que vous compreniez, mademoiselle. Ce que je vais vous dire, c'est une folie qui n'aurait jamais pu exister sans cette guerre. La guerre a tout brisé, même Benjamin, et aussi l'esquimau, et le simple bon sens, et moi. Je sais. En août 1914, quand Benjamin a été mobilisé, j'ai été effondrée à l'idée qu'il ne pourrait plus revenir. Et puis, dans sa première lettre, il m'a appris que dans son régiment, il avait retrouvé l'esquimau, son grand ami de la Trôle. Et ça m'a soulagée. Je savais qu'il l'admirait pour sa solidité, sa bonne humeur et l'espèce de parfum d'aventure qu'il traînait avec lui. Je me suis dit que, tant qu'ils étaient ensemble, il y avait moins de danger à craindre. Il vous parlait souvent de l'esquimau dans ses lettres ? Oui. C'était les seuls passages un peu confiants, un peu joyeux de ses lettres. Il me disait « Hier, j'ai gagné une partie de manille avec Kléber contre 2 grenadiers. » Ou bien « Dans ton prochain colis, pense à mettre un paquet de perlots pour Kléber. » C'est comme ça que j'ai appris son nom. Et pendant ses permissions ? La première permission que Benjamin a obtenue, c'était après les batailles en Artois, à la fin juillet 1915. Cela faisait 1 an que je ne l'avais pas vu. Dire qu'il avait changé, c'est peu de choses. C'est à peine s'il l'a reconnu. Un moment, il embrassait les enfants. L'instant d'après, il leur criait dessus parce qu'il faisait trop de bruit. Et puis, il s'était mis à boire, alors qu'il ne buvait jamais avant la guerre. Comme beaucoup d'autres soldats. Il disait que c'était la seule chose là-bas qui le faisait tenir. Et puis il est reparti. Ses lettres sont devenues de plus en plus tristes. Son régiment, je l'ai su après, était en Champagne, tout l'automne et l'hiver 1915, et devant Verdun en mars 1916. Quand il est de nouveau revenu en permission, le 15 avril, il était plus maigre et pâle qu'il n'avait jamais été, avec quelque chose de mort, oui, de mort déjà dans le regard. Tu sais, Elodie, ça mitraille sans arrêt. On peut jamais dormir. C'est l'enfer sur Terre. Cette guerre finira jamais. Les Allemands se font crever, les nôtres aussi, et ça continue. On est enterrés dans la boue. Même le courage ne sert plus à rien. Ne dis pas ça. La guerre finit toujours un jour ou l'autre. Où je déserte, et ils me prendront. Ou il me faut un 6e enfant. Quoi ? Quand tu as 6 enfants, on te renvoie chez toi. Alors il me faut un sixième enfant. Mais Benjamin, tu sais très bien que tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut que tu tombes enceinte. Mais enfin, tu es fou. Il n'y aura pas tromperie puisque c'est moi qui te le demande. Et puis les 5 autres, ce sont déjà pas les miens. Alors, quelle différence ça fait? Tu dis n'importe quoi. Essaie de comprendre. Je te demanderai pas ça si mon sang valait quelque chose. Je te demanderai pas ça non plus si j'étais libre de toute attache et fataliste comme Kléber. Kléber? Oui. Avec lui, tu sais, ça me ferait rien. J'ai confiance. Tout ce que je vois, c'est que je serai enfin sorti de cette saloperie de guerre et qu'on sera heureux comme avant. Même si j'étais prise, il faudrait attendre 9 mois. La guerre sera finie avant. Moi, c'est l'espoir qui me manque. Sans espoir, je suis pas capable de survivre là-bas. Sauve-moi, Élodie. Promets-moi que tu le feras. Je t'en prie. D'accord. D'accord. Le jour de son départ, je l'ai accompagné à la gare du Nord. Il m'a embrassé à travers les grilles. Il m'a de nouveau demandé de lui promettre. J'ai fait oui de la tête en pleurant. Je ne pouvais plus prononcer un mot. Kléber Bouquet est venu en permission en juin 1916, le 4. C'était un lundi. Il a mis un mot dans ma boîte aux lettres en me disant qu'il monterait chez moi le lendemain après-midi. Et que si je ne voulais pas le recevoir, je n'avais qu'à accrocher un mouchoir de couleur à ma fenêtre. Le lendemain matin, j'ai conduit les enfants à Joinville-le-Pont, chez leur tante. J'ai seulement dit que j'avais des démarches à faire et que cela pourrait prendre un jour ou deux. Vers 3 heures de l'après-midi, j'ai vu un homme s'arrêter sur le trottoir en face de l'immeuble et regarder vers mon étage. Il était en vêtements d'été clairs, avec un canotier sur la tête. Nous nous sommes regardés plusieurs secondes, sans bouger. Finalement, il a traversé la rue. Bonjour, Élodie. Bonjour. Il était comme Benjamin me l'avait décrit. André. Un homme robuste au visage tranquille. Au regard droit, la moustache et les cheveux bruns, de grandes mains de charpentier. J'ai préparé du café, asseyez-vous. Merci. Mon cœur battait la chamade. Il faisait chaud, mais je n'osais pas ouvrir la fenêtre, de peur qu'on nous voie de l'immeuble voisin. Vous pouvez ôter votre veste si vous voulez. Ah, merci. Vous connaissez l'Amérique? Oui. Comme ça, de nom. Je suis allé là-bas quand j'étais jeune. C'est un pays grandiose, avec des paysages magnifiques. Une fois dans le Grand Nord, où tout n'est que neige et silence, j'ai vu 3 soleils dans le ciel, qui brillaient au milieu d'une poussière de diamants. Vous permettez que j'allume une cigarette? Je vous en prie. Pardon, je suis désolé. C'était une idée absurde, mais on peut lui mentir, vous savez. Faire comme si, du moment que ça le tranquillise, là-bas, dans la tranchée. Si vous voulez me parler avant que je reparte, vous n'avez qu'à me laisser un message chez petit Louis, rue Amelot. Sans me retourner, attendez. J'ai laissé tomber ma robe là, près du divan. Je me suis déshabillée. Revenez. Le soir, il m'a emmenée dans un restaurant place de la Nation. Il me souriait de l'autre côté de la table. J'avais l'impression de n'être plus moi, que rien n'était tout à fait réel. Dans la nuit, nous sommes retournés chez moi. Nous nous sommes revus le lendemain, puis le surlendemain. Nous nous sommes aimés encore jusqu'au soir. Il reprenait le train le vendredi matin. Vous êtes tombée enceinte ? Non. Mais Benjamin, en contradiction de tout, est devenu d'une jalousie maladive. Il s'est mis à harceler Kléber de questions, comme il me harcelait dans ses lettres. C'est pour ça qu'ils se sont fâchés, oui. Parce que nous sommes des gens, pas des choses, et que ni la guerre ni personne n'y peut rien changer. Vous l'aimiez ? Kléber ? Je ne sais pas si je l'aimais, ni s'il m'aimait, en dehors de cette parenthèse dérisoire. Ce que je peux vous dire, à vous, c'est que j'ai découvert avec lui un plaisir que je n'avais jamais connu auparavant. Ni avec mon ouvrier maçon, ni avec Benjamin. Mais est-ce que ça valait la peine de détruire une belle amitié pour ça, franchement ? Ils se sont réconciliés. Qu'est-ce que vous dites ? Votre mari, Benjamin Gord, et son ami l'Esquimau se sont retrouvés à Bingo Crépuscule le 6 janvier 1917. Dans sa dernière lettre, l'Esquimau a annoncé à petit Louis qu'il s'était rabiboché. Quoi ? Vous en doutez ? Oh non. Si Kléber l'a écrit à petit Louis, c'est que c'était vrai. Il n'était pas du genre hypocrite, ni l'un ni l'autre. Vous pensez que dans une circonstance dramatique, votre mari aurait pu essayer de se venger de Kléber ? Se venger ? Oh non. Réconcilié ou pas, je suis sûre que Benjamin aurait tout fait pour l'aider. Est-ce qu'il aurait pu échanger ses chaussures avec lui, par exemple ? Ses chaussures ? C'est très sérieux. Pensez-vous que votre mari et Kléber Bouquet auraient pu échanger leurs chaussures ? Oui, sans doute. Mon mari était grand, mais Kléber pas tellement moins. Oui, je suppose qu'ils auraient pu. Mais pourquoi vous me demandez ça ? Les chaussures de l'Esquimau constituent l'une des pièces du puzzle. Ah. Bien, je vous remercie infiniment, Madame Gord. Excusez-moi si j'ai abusé de votre temps. Juste une dernière question. Oui. Savez-vous si Monsieur Pierre aime la musique ? Ça, je n'en sais rien. Pourquoi ? En fait, pour tout vous dire, je préfère la peinture. C'est que j'ai moi-même tâté des pinceaux dans ma jeunesse. En amateur, cela va sans dire. Germain Pierre était un petit homme nerveux, aux yeux vifs, à la moustache en accent circonflexe, aux cheveux rares et lissés avec soin, et qui s'habillait de manière surannée. En plein été, M. Pirque Lafouine portait redingote, col dur, lavalière, chapeau melon et guêtres blanches. Sans doute, la lavalière n'était-elle dans la panoplie que pour se donner l'air artiste. Monsieur Pierre, j'ai un service à vous demander. Mais je suis là pour ça, chère mademoiselle. Je voudrais que vous recherchiez une certaine Tina Lombardi. Un instant, je prends mon carnet. Lombardi, vous dites. C'est ça. Son prénom est Valentina, mais elle se fait appeler Tina. Quel âge ? Elle est née le 2 avril 1891, à Marseille. Elle y vit toujours ? Non. Elle se balade entre Toulon et La Ciotat. Elle aurait aussi été vue dernièrement dans une maison close sur la route de Gardanne. Voilà une enquête qui me changera des tristesses guerrières. Mais je resterai sage, rassurez-vous, je ne mêle jamais le travail à la bagatelle. Je paierai le prix nécessaire. Et mes frais ? J'ai l'habitude de manger peu, de dormir dans des chambres modestes et je ne bois que de l'eau. Vos frais en plus, évidemment. Bien. J'adore cette musique. Il y a en elle une telle vitalité. Oui, oui, c'est un genre, comment dire, intéressant. On va éviter. Mademoiselle, je comprends que vous aurez peut-être davantage confiance en moi quand je vous aurai retrouvé cette femme de mauvaise vie. Mais pourquoi ne me racontez-vous pas franchement votre affaire ? Je préfère garder ça pour moi pour le moment. Au fait, avez-vous pu étudier la question que je vous posais dans mon télégramme ? J'ai relu attentivement le dossier Benjamin Gordes. En effet, à son arrivée au poste médical de Combles, il portait bien des bottes allemandes à ses pieds. Deux des trois témoins l'ont affirmé. Très bien. Si je puis me permettre, puisque vous vouliez me le faire dire, comment le saviez-vous ? L'intuition féminine, monsieur Pierre. Ah, je comprends. Tenez, pour vous prouver que je suis bien disposé envers vous, j'en reviens à votre annonce dans le journal. Sans supplément d'honoraire, je vous propose de retrouver aussi ce soldat, Célestin Pou. Eh bien, autant que je sache, s'il est encore en vie, il a environ 25 ans. Les cheveux blonds, notez. Les yeux bleus. Et il vient de l'île d'Oléron. Il était dans la compagnie de Benjamin Gordes. Très bien, je note. Comme par un signe avant-coureur, le lendemain, Mathilde recevait une lettre de sœur Marie de la Passion à Dax, lui annonçant que Daniel Esperanza était mort. Il avait été inhumé dans un cimetière près de l'hôpital. Quelques jours avant son décès, il avait laissé pour Mathilde une photo qui se trouvait dans l'enveloppe. Il y apparaissait jeune, en tenue de plage, avec les cheveux gominés et des moustaches à la Max Linder. Il avait tenu à lui montrer qu'il ne s'était pas vanté, qu'il avait belle allure à 20 ans. 3 jours plus tard, Mathilde entrait dans un tunnel plus long et plus obscur que celui qu'elle avait connu depuis l'annonce de la mort de Manèche. Et voilà, les bagages sont prêts. Tu es sûre de ne rien oublier, ma chérie? Oui, maman, tout va bien. À quelle heure part votre train? Dans 1 heure. Bon, je vous emmène à la gare. Vous nous enverrez un télégramme quand vous serez arrivée à Cap-Brut, n'est-ce pas, Sylvain? Bien sûr, madame Donnet, je n'y manquerai pas. Oh, encore ce téléphone, ces machines ne nous laissent jamais tranquilles. Tu feras bien attention sur la route, hein. Mais oui, maman, je suis avec Sylvain, tout va bien. Allô? Prends soin de toi. Ah, c'est vous. Couvre-toi plus que ça, Mathilde, ou tu vas attraper la mort. Non, je suis plus une enfant. Peut-être, mais moi je suis toujours ta mère. Très bien, je vais la chercher. Oh. Mathilde ? Oui ? C'est Pierre-Marie Rouvière, ton parrain. Il a quelque chose à te dire. Ah. Allô ? Mathilde, tu te souviens de mon ami officier, celui qui avait retrouvé le nom de l'avocat de Manèche ? Oui. Eh bien, il a découvert le cimetière où Manèche et ses 4 compagnons ont été inhumés en Picardie. Il y a une croix pour chacun d'eux avec le nom. Leurs corps ont été retrouvés en mars 1917, après le repli allemand, à l'endroit même où ils étaient morts 2 mois plus tôt, devant la tranchée de Bingo Crépuscule. Des soldats britanniques les avaient sommairement enterrés sur place, dans un trou d'obus, avec leurs vêtements et leurs plaques d'identité. Mathie, ma petite Mathie, pardon de te faire du mal. Tu savais bien qu'il était mort. Si tu le veux, quand tu seras prête, je te conduirai moi-même là-bas avec Sylvain. Non. Mathilde, tu es là ? Mathilde ? Mathilde ? C'était Un long dimanche de fiançailles. De Sébastien Japrisot. Adaptation, Catel Guillou. 5e épisode avec Rebecca Stella, Mathilde, Dominique Parent, Sylvain, Olivier Broche, Germain Pire, Hervé Furic, Pierre-Marie Rouvière, Nicky Marbeau, L'Esquimau, Kléber Bouquet, Grégory Kidel, le caporal Benjamin Gordes, Vincent Schmitt, le père de Mathilde, Aurélie Billedou, la mère de Mathilde, Léonie Pinjot, Élodie Gordes, et bien d'autres. Bruitage. Bertrand Amiel. Équipe de réalisation. Sébastien Labarre, Manu Couturier, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zande. Un long dimanche de fiançailles est paru aux éditions de Noël. À lundi.